cette chanson est dédicacée à tous les coulisseurs d'Andouillette. DJ Furax et DJ Gigabit. C'est la fête. Tu lâches. Oh, my goodness.